Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française sympathique. Sous le pseudonyme de Monsieur et Madame Go, Alexandre Dard et Aurore Lalu, couple de comédiens célèbres, arrivent en pleine nuit dans une vallée isolée des Pyrénées. Alexandre a imaginé que ce serait la destination idéale pour éloigner Aurore, en proie à des crises de nymphomanie, de toute tentation et surtout pour mieux la retrouver. Mais rien ne va se passer comme il l'attendait. J'adore ce que vous faites. J'ai vu tous vos films. Merci, c'est gentil. Mais nous souhaitons passer quelques jours de vacances incognito. Aurore Lalu, André Dussolier. Oh. En vacances ou... En vacances. Pourquoi les Pyrénées ? Depuis quelques semaines, ma femme est en proie à d'intenses crises de nymphomanie et j'ai pensé que les Pyrénées étaient la destination idéale pour mettre Aurore à l'abri de toutes ces tentations. Tu crois que je fais une crise de puberté ? Non, allez, plus sérieusement, Aurore. C'est dans les régions les moins peuplées que les vraies rencontres ont lieu. C'est le Colosseum de la nature, c'est le cirque de Gavarnie. Victor Hugo. Cette excursion est ridicule, Alexandre. Le voyage aux Pyrénées, présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en mai 2008. On retrouve avec plaisir Sabine Azéma, Jean-Pierre Darroussin, un DVD TF1 Vidéo.